Dans leur silence, les gens sont méchants, le monde avance, pendant que le temps du nous du bien s'en va, la la la la, la la la la. Elle peut très bien avoir l'air d'une souillon, je ne retiens que ce qu'elle a de bon. Ses cheveux gras pourraient bien me cacher un souriant visage que la faim a creusé. Ça sent fort la sueur et la piquette séchée. Jusque dans son cœur, bien trop alcoolisé. Madame a les dents grises ou bien noires ou tombées. Ne défait sa chemise que deux fois dans l'année.